magicien, je suis un transformateur. Mon chat, on ne parle pas beaucoup, aidez-moi le bouc, le sujet maîtrisé. Dîner sur les Champs-Élysées avec mon président, je ne peux pas refuser. Je suis dans la fusée des fusées, je contrôle la maison comme la NASA. Les pauvres, ils sont trop dégoûtés, même dans leur choquet, je pète les caissons. Oui, rapper pour moi, c'est trop facile, comme un Colombien qui cuisine la résine. Si demain je sens la perquise, y'a pas de soucis, je dors chez la voisine. Allô, t'es où? Oh, Seigneur, t'es là. Bango, Bazol est là. Nazo, Kosepe là. J'ai trop le truc à la Tupac et Biggie. Ce genre de beat me fait bouger. J'écris mes textes dans un buggy. J'vais sortir mon flingue, tu vas bugger. Les personnes continuent les manifestations. L'état continue, manipulation. Mademoiselle la prod, je vous demande pardon. C'est pas de la beuh mais de la végétation. Nouvelle location, je passe à la station. Total, total, total, total. C'est pas de la beuh mais de la végétation. Je ne vends pas de rêve, je suis jamais. Je ne vends pas de rêve, je suis ouais. Demande bien, j'ai dû faire quoi. Combien de fois j'ai fait du sale. Ouais. Mes fringues viennent d'Italia. Plein de bijoux, grosse voiture. Plein de bijoux, grosse voiture. Belle monture, que veux-tu, girl? Tous mes charrons ont de l'orgueil. J'suis sur les Antilles, mes gavas sont loxés. Tête énervée comme Davado, sabre laser comme Anakin. Kounia maman, je vous encule. Jungle, petit ne veulent plus qu'on les vire, qu'on les engueule. Ils nous respectent car savent qu'on a fait du lum. Nous respectent car savent qu'on a fait du lum. Ouais. Pas conti pour Ronnie. Tiens. Poto poto, Narita Ligain. J'enfile tes gants pour t'enlever la vie. Ouais. Et quand je le fais, je le fais parisienne. Bah. Je coupe et j'emballe et tu inhales. Bah. Dans le couloir d'amour, il n'y a qu'une allée. Ouais. Je bouge mes épaules comme au Funana. Tiens. Et même en été, je vis sous la neige. Stop, nigga, donne, ouais. Nigga, fallait pas, ouais. Cash, paye mon bail, ouais. Ou bien la rafale va te follow, ouais. Ouais. Et même en été, je vis sous la neige. Veux-tu valider? Stop, nigga, ouais. Donne, ouais. Nigga, fallait pas, ouais. Cash, paye mon bail, ouais. Ou bien la rafale va te follow, ouais. Et même en été, je vis sous la neige. Veux-tu valider? Et même en été, je vis sous la neige. Je ne vends pas de rêve, je suis jamais. Je ne vends pas de rêve, je suis ouais. Demande bien, j'ai dû faire quoi.